me why I still got you on my mind. Day and night, I need a reason to get and to live it out. Regret dance all in my head. It's not that easy. Sentiment, parfois c'est méprisant. Sentiment, sometimes c'est attachant. Savoir s'accrocher à la vie, c'est comme l'amour. Y'a des embûches, tu plantes, tu cours. Et puis parfois ça joue des tours. C'est comme un étincelle qui brille dans le noir du ciel. C'est un cadeau de la vie. Grâce à ça, elle n'est pas finie. Étoile filante, vue dans le ciel. Pour moi, tu es une merveille. C'est pas le cash qui fait gagner un cœur d'une jeune femme aimée. C'est l'amour en dedans de moi, d'une femme qui va jamais cesser d'exister. Quand j'suis en amour, j'vois la vie de millions de couleurs. Quand ça va vers le noir, j'te dis, j'commence à avoir peur. Petite fleur parmi dans d'autres, tu es ma douce rose. Ça prend de l'amour pour vivre. Sinon c'est poche comme on dit vieux mourir. Je vais jamais lâcher l'affaire. Même si je suis complètement à terre. Je t'aime ma belle et tu le sais très bien. Yeah. Tell me why I still got you on my mind. Première fois que j'écris une toune d'amour, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Même si c'est un peu lourd aujourd'hui, j'ai choisi mon destin. Et oui, c'est le mien, mais je suis encore en train de penser si c'est vraiment une bonne idée. Si t'es capable de partir du jour au lendemain, moi je suis-tu capable de pas passer par quatre chemins? Pis dire le fond de ma pensée, ben avant que ça finisse par chier. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux, j'suis mélangé, j'ai pas d'air de, j'voudrais avoir un cœur peu. J'dormais plus, j'suis trop stressé, l'amour ça m'a destroyé. J'ai le cœur qui palpite quand j'entends ton nom en écho. Brûlera cette dernière sentence d'amour, il faut que j'pense avant de faire une connerie. J'pense t'es la dernière de la lignée. Ah pis fuck it, je retourne vers toi. C'est pas de ma faute si t'es trop belle, charmante, merveilleuse. Ah, pis je n'aurais trop à dire. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tell me why I still got you on my mind. Day and night, I need a reason to forget and to live without regret. It's all in my head. It's not that easy.